tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain. Tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Quelle bêtise as-tu fait, qu'as-tu donc dans la tête pour ne pas te lancer, rester figé à me Mais qu'est-ce que tu attends, car moi je n'oserai jamais. Il suffit d'un instant, clap de fin, le train s'est barré. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Dis-moi ton secret, je les cacherai sous mon lit. Tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps. Sois un homme et viens m'aborder. Tape sur l'épaule du destin. Il te mènera jusqu'à moi. Laisse-le te guider. Il te jettera dans mes bras. Dis-moi ton secret. Je le cacherai sous mon.